إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 2 dans l'explication du livre du Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah Ar-Radd al-Shar'i al-Ma'qul 'ala al-Muttasil al-Majhul. Et comme on expliquait, c'est une réfutation d'une personne qui lui avait fait parvenir une nasiha, soi-disant une nasiha, pour lui dire de cesser de critiquer ou de parler contre les groupes de Hizbiya et contre les groupes de Bid'ah. Et alhamdulillah, le cheikh a répondu à cette soi-disant nasiha avec les commentaires qui sont dans ce livre. Donc on a expliqué hier, le cheikh il disait que on ne peut pas se taire à propos des manahij, des gens de bid'a et des ikhwan et des gens qui ont du shirk et des bid'a. Et il donnait des exemples, il a commencé par donner un exemple en disant comment je peux me taire à propos de gens qui croient par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaît lors de le maulid, hein, lorsqu'il célèbre la bid'a du maulid, eh ben il croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaît en personne et que il vient pour effacer ou pardonner les péchés des gens. Donc le cheikh a répondu à ce point-là, puis ensuite il commence à énumérer plein d'exemples, hein, des erreurs de certains de ces hizbiyin, pour montrer comme si qu'on peut pas se taire devant ce genre d'erreurs et ce genre de problèmes dans la aqida et dans le manhaj. Donc le cheikh il dit كيف أسكت, كيف أسكت وهو الذي يقول في نشيد له الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فجميع ما في الكون إن حقيقته عدم على التفصيل والإجمال وهذان البيتان ينضحان بوحدة الوجود كيف أسكت على هذه الطوام. Donc le cheikh il donne un autre exemple, comment il dit comment je pourrais me taire alors que le fondateur de ce groupe, hein, de cette jama'a comme les ikhwan, le fondateur des ikhwan, il disait dans une chanson qu'il chantait, hein, dans un nashid comme ils appellent les anashid, il chante dedans Allah dit Allah et laisse tomber qu'est-ce qui existe, hein, parce que si tu veux atteindre la perfection, sache que tout ce qui est dans l'univers, sa réalité c'est que ça n'existe pas, hein. Donc c'est comme s'il est en train de nier l'existence puis d'affirmer que c'est seulement Dieu qui existe. Et ça c'est la aqida des soufiya extrémiste qui croit en wahdat al-wujud, c'est-à-dire qui croit que l'existence elle n'est qu'une seule existence, c'est-à-dire l'existence de Dieu, et que tout est Allah, et que Allah est tout. Et donc il nie l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon-là. Et ça c'est, il y a certains groupes parmi les soufis, bien la majorité des turcs soufis aujourd'hui, elles croient toutes en cette idée-là. Et ça c'est une idée qui a été déclarée kufr par les ulama des salafs. Ensuite, donc le cheikh il dit comment je pourrais me taire devant une erreur pareille, hein? Après il donne un autre exemple, il dit كيف أسكت ومؤسس هذا المنهج يثني على المغرني الغارق في وحدة الوجود ويقول إن الإخوان مدينون للطريقة المغنية أو المرغنية وأصحابها بدين قديم. انظره في كتاب قافلة الإخوان المسلمين جزء الأول الصفحة 259. Donc il dit, comment je pourrais me taire alors que le fondateur de ce groupe et de ce manhaj, hein, Hassan al-Banna, il glorifiait al-Maghrani, un des soufis, hein, qui était noyé dans Wahdat al-Wujud, dans la croyance en Wahdat al-Wujud, de croire que tout est Allah et que Allah est tout. Et il disait, les frères, en parlant des frères musulmans, il dit les frères musulmans sont endettés vis-à-vis de la tariqa al-Marghaniya et ceux qui sont dans cette tariqa d'une dette très ancienne. Donc, ça veut dire qu'il considère qu'il était endetté par rapport à cette tariqa et il glorifiait le fondateur de cette tariqa. Et lui-même, Hassan al-Banna, faisait partie de la tariqa al-Hisafiyya, al-Shadiliya. Et il avait fait une bay'a pour le cheikh de cette tariqa. Et yani, en plus de ça, ben, il pratiquait le wird de cette tariqa, puis il pratiquait les pratiques de ses soufis. Donc ça c'est dans le livre qui s'appelle Qafilat al-Ikhwan al-Muslimoun, le volume 1, la page 259. On trouve ça dans le livre des Ikhwan, ils disent ça eux-mêmes. Ensuite, le cheikh il donne un autre exemple, il dit « Kayfa askut an manhajin ?» يدين بالولاء والحب للرافضة ويسعى في التقريب بينهم وبين أهل السنة بكل جهد. Il donne un autre exemple. Il dit comment je vais me taire à propos d'un manhaj qui considère qui donne leur wala, leur amour et qui se rapproche et qui s'allie et qui défend les rafida et qui font un effort pour essayer de faire un rapprochement entre eux et entre Ahl Sunna. De tout, ils font tout leur effort pour arriver à ça. Comment on peut se taire par rapport à des gens comme ça? كيف أسكت عن منهج يقول مؤسسه ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية؟ أترون أنه تجوز السكوت على هذه البلاوة والطوام؟ شيخ الدين. Comment je vais me taire à propos d'un manhaj dont le fondateur dit il n'y a aucune animosité religieuse entre nous et les juifs? Est-ce qu'on va se taire devant de tels problèmes et de telles erreurs? Après, il dit, « بل كيف أسكت عن منهج مرشده يقول إن دعوة الأولياء في قبورهم ليس فيها شرك ولا وثنية وهذا المرشد هو عمر التلمساني في كتابه شهيد المحراب في صفحة 231 وما بعدها ويقول هذا ولا أدري بما يقول هذا ولا أدري بما يحكم أصحاب المنهج الإخواني وولائده على من يقول إن دعاء الأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله ليس فيه شرك ولا وثنية هل سيتركون العقيدة التي درسوها منذ نعومة أظافرهم من أجل انتمائهم للمنهج الإخواني وموالاتهم لحزبه أم إنهم سيحكمون بالعقيدة التي درسوها في من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حيث يقول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. Donc ici le cheikh il explique, il dit comment je vais me taire à propos d'un manhaj dont le chef, le murshid, ils appellent le chef de la jama'a des ikhwan qui remplace Hassan al-Banna, à chaque fois il l'appelle le murshid, al-murshid al-am, le guide général, hein. Et donc il a dit par exemple un de leurs guides général qui a succédé à Hassan al-Banna, il disait que la da'wa, le fait de faire une dua aux awliya et d'invoquer les awliya dans leur tombe, ça il n'y a pas de shirk là-dedans ni d'idolâtrie, hein, la shirk wa la wathaniya. Ça, c'est ce qu'il disait. Et celui-là, c'est ce mouchid, c'était qui? C'était Omar al-Tilmisani. Il s'appelle Omar al-Tilmisani. Et il a écrit ça dans son livre Shahid al-Mihrab. Shahid al-Mihrab, à la page 231, il dit ça. Et qu'est-ce qu'il dit après la suite? Donc, ça, c'est pour essayer de montrer que ces gens-là, ils ne considèrent pas que d'invoquer les morts dans leur tombe, c'est une forme de shirk. Hein? Donc, le cheikh, il dit, je ne sais pas ce que les gens qui suivent le manhaj des Ikhwan et qui suivent ceux qui sont venus, qui ont découlé ou bien qui sont le produit de ce manhaj, je ne sais pas ce qu'ils vont dire s'ils entendent quelqu'un qui dit que d'invoquer les morts dans ce que ceux qui invoquent les morts et qui demandent aux morts ce que seul Allah est capable de faire, alors il n'y a pas de shirk ni d'idolâtrie là-dedans. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire ces gens-là, si ces gens qui suivent le manhaj d'Ikhwan, qu'est-ce qu'ils vont dire s'ils entendent cette parole-là? Est-ce qu'ils vont abandonner leur aqidah qu'ils ont étudié, le tawhid, depuis qu'ils sont tout petits, en parlant des Ikhwan en Arabie Saoudite en particulier, qui ont étudié le tawhid à l'école depuis qu'ils sont tout petits, est-ce qu'ils vont abandonner cette aqidah, ou bien ils vont adopter le manhaj d'Ikhwan et défendre cette aqidah par rapport au fait qu'ils sont dans ce groupe et dans ce hizb et dans ce parti là. Donc ça, c'est un bon exemple. Et je me souviens même une fois, quand j'étais en Arabie Saoudite, je suis allé visiter un des gens qui était responsable d'une mosquée à Montréal. Et c'était un gars qui était venu à Montréal parce qu'il y a beaucoup de sororis ici à Montréal. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est que la plupart, c'est des Saoudiens qui viennent étudier la médecine ici. Et quand ils viennent, ils se font comme une sorte de relais de la mosquée. Hein, la mosquée Sunna, ça s'appelle la mosquée Sunna. Donc, quand il y en a un qui vient pour étudier, il y en a un qui va prendre la charge de la mosquée. Quand ils ont fini leurs études, ils retournent en Arabie Saoudite et il y en a un autre qui vient et qui prend la place et qui continue de s'occuper de la mosquée. Et étant donné qu'auparavant, il n'y avait pas encore de clarification au tout début, puis les gens étaient mélangés, ils ne savaient pas la différence entre qu'est-ce qui est surur et qu'est-ce qui est salafi. Alors tout le monde priait dans la même mosquée jusqu'à ce que par la suite, alhamdoulilah, les choses se clarifient. Mais quand j'étais parti une fois dans la maison d'un d'entre eux qui s'appelle Jamil Atta, qui est médecin maintenant à Jeddah, j'avais un livre dans ma main qui parlait du tawassul et qui montrait que d'invoquer les morts et tout ça, ça c'est des formes de shirk, et qui clarifie les catégories de tawassul, quelles sont permises, lesquelles sont permises, lesquelles sont interdites et tout. Et quand il a vu ce livre-là, il n'a pas aimé ça. Il a dit non, tu sais, ça, il n'y a pas de shirk là-dedans, il ne faut pas se concentrer là-dessus, c'est des questions de fiqh et de divergence d'opinion entre les savants, et ainsi de suite. Donc c'est pour dire que ces gens-là, yani, malgré qu'ils ont étudié la aqida et qu'ils comprennent le manhaj, mais étant donné qu'ils font partie de ce hizb et de ce groupe, ils refusent de parler de cette question-là et de clarifier le verdict de l'islam à ce sujet-là. Pourquoi? Parce que justement, ils savent que dans leur jama'a, il y en a des gens, des membres qui croient que c'est permis d'adorer et de prier aux morts. Et non seulement des membres dans la jama'a comme ça, des individus insignifiants, non, des chefs ou des gens qui étaient responsables parmi les gens qui dirigent et qui s'occupent des choses de cette jama'a. Donc c'est pas, il y en a parmi les membres les plus hauts, même le fondateur, hein, Hassan al-Banna, et les autres qui l'ont succédé, ils avaient ces idées-là. Parce que leur but, c'est de réunir le plus de monde possible et peu importe leurs croyances et leurs tendances. Donc ils vont bien entendu se taire vis-à-vis de toutes les erreurs qui sont présentes dans le manhaj des gens et dans leur aqida, même si c'est des croyances et des erreurs qui ont attrait ou qui sont reliées au fondement même de l'islam. Et le cheikh, il dit, est-ce qu'ils vont juger plutôt par la aqida qu'ils ont enseigné dans le Coran, le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, et quiconque invoque avec Allah subhanahu wa ta'ala une autre divinité au sujet de laquelle il n'a aucune preuve, alors son jugement n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah ne donne pas le succès aux mécréants. Donc ça c'est un verset qui est dans Sourate Al-Mu'minun, le verset 117. Ensuite le cheikh il mentionne un autre verset qui dit: et ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras certes parmi les injustes à ce moment-là. Donc ça veut dire que on n'a pas le droit d'invoquer quoi que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est pour expliquer que c'est ce que d'invoquer d'autres avec Allah c'est une forme de shirk. Et c'est une forme de shirk majeure, hein. Comme le cheikh il dit dans sourate ça c'est le verset dans sourate Yunus et c'est le verset 106. Ensuite le cheikh il dit: والمراد بالظلم والشرك والمراد بالظلم الشرك الأكبر المخرج من الملة بدليل أن الآية التي قبلها أو قبل هذه الآية قوله تعالى وأقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو. Donc il dit le cheikh que la preuve que quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين, si tu le fais, c'est-à-dire si tu invoques en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te nuire ni te profiter, tu seras certes parmi les injustes. Le cheikh il dit que qu'est-ce que Allah veut dire ici par le terme injuste, par le zolm, c'est le shirk majeur qui fait quitter à quelqu'un l'islam. Et la preuve de ça, c'est le verset qui précède ce verset-là, c'est-à-dire le verset 105 dans Surat Yunus. Et le verset 105 il dit: et tourne ton visage entièrement vers la religion du pur monothéisme et la religion d'Ibrahim qui est al-hanifiyya, et c'est-à-dire le tawhid. Tourne ton visage entièrement et complètement vers le tawhid, vers la religion du tawhid, et ne sois pas parmi les mushrikins. Et tout de suite après il dit: et n'invoque pas n'invoque pas avec Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne peut ni te nuire, ni te profiter, ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras certes parmi les injustes. Donc, c'est pour montrer que les injustes en question, ici dans ce verset-là, ce sont les mushrikoun qui font le shirk. Parce que le shirk, c'est la plus grande injustice. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, inna shirka la dhulmun azim. Donc, tout ça, c'est des preuves. Et le shirk, il continue en disant, thumma qal, wa in yamsaska Allahu bi dhurrin, فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Il dit: si Allah veut qu'un mal te touche, nul ne pourra l'écarter en dehors de lui. Mais s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Et il en graffitie, c'est-à-dire il donne de sa grâce à qui il veut parmi ses serviteurs. Et c'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Donc ça c'est la signification de ce verset là. Puis ensuite le cheikh il mentionne un autre verset: قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فالله سبحانه وتعالى سمى من يدعو غيره ظالما وكافرا ومشركا وخاسرا فماذا بقي يا عباد الله هل بقي عليكم لبس في الحكم على من دعا غير الله بالكفر. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate Az-Zumar le verset 65: et on a révélé vers toi, on t'a révélé à toi ainsi qu'à ceux qui sont venus avant toi parmi les messagers que si tu fais le shirk, on va annuler toutes tes œuvres et tu seras parmi les perdants. Donc le cheikh il dit: donc Allah a nommé ceux qui invoquaient d'autres que lui par le terme zalim, par le terme injuste, et par le terme kafir, et par le terme mushrik, et par le terme khasir, qui signifie le perdant. Donc qu'est-ce qui reste aux serviteurs d'Allah? Est-ce que vous restez encore confus au sujet du verdict de celui qui invoque autre que Allah, au sujet de celui qui invoque d'autres avec Allah? Est-ce que vous êtes encore confus à savoir est-ce qu'il est dans le coffre ou non? Donc ça, c'est une question que le cheikh pose à ce sujet-là. Ensuite, donc, le cheikh il continue et il dit « Amma sunnah fa fi sahihain al-du'a huwa al-ibada wa fi sunan al-du'a mukh al-ibada wa ba'da hadha hal تصدقون الله جل وعلا في أن من دعا غير الله ويطلب منه جلب النفع أو دفع الضر فهو مشرك شركا أكبر مخرجا من الملة كافر بوحدانية الله ظالم أعظم الظلم خاسر أفظع الخسران أو تصدقون التلمساني الذي يقول إن دعاء الأموات ليس فيه شرك ولا وثنية. Donc le cheikh il dit, il y a également des preuves de ça dans la Sunna, comme qu'est-ce qui est rapporté dans As-Sahihain, dans Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ad-du'a huwa al-ibada, c'est-à-dire que le du'a c'est ça l'adoration. Et l'adoration c'est le du'a. Donc c'est pour dire que c'est une des choses les plus importantes dans l'adoration, c'est le du'a, c'est la base de toutes les adorations. Donc ça prouve que de l'offrir à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie du shirk. Et il mentionne également l'autre version ou une autre narration qui est rapportée dans ce sujet-là, c'est Ad-du'a mukhul ibada. Et cette version-là, ça dit que le du'a c'est le cœur ou le centre ou la pulpe de l'adoration. Bien entendu, il a été certains savants ont dit qu'il est daïf. Toutefois, ici, il y a une note en bas de page qui dit que il est rapporté par Ahmad dans sa Musnad, fi Musnad al-Kufiyin, selon An-Nu'man ibn Bashir. Et il dit que Al-Albani il l'a authentifié également dans Sahih ibn Majah. Donc, il serait déclaré authentique. Wallahu a'lam. Et la référence c'est dans Sahih Ibn Majah, le hadith numéro 3101, c'est le volume 3 à la page 252 dans le Sahih Ibn Majah de Cheikh Al-Albani. Ensuite, le Cheikh il dit donc, est-ce que vous allez croire en ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de celui qui invoque autre que Allah et qui cherche à ramener un bien ou à repousser un mal en invoquant autre que Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que vous allez dire ce que Allah dit et croire en ce que Allah a dit à ce sujet-là, que c'est un mushrik qui a fait une forme de shirk majeur qui le fait quitter l'islam, et une personne qui a renié l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, une personne qui est injuste, qui a fait la plus grande forme d'injustice et qui est perdant de la plus grande forme de perdition, ou bien vous allez croire en At-Tilmisani, celui qui dit que d'invoquer les morts, il n'y a pas de shirk ni d'idolâtrie là-dedans. Et il dit وَيَقُولُ أَحَدُ الْمُنْزِرِ الْمَنْهَجَ الْإِخْوَانِ سَعِيدْ حَوَّى مَا نَصُّهُ إِنَّ مِنْ كَرَامَةِ اللَّهِ لِأَصْحَابِ الطَّرِيقَةِ الرِّفَاعِيَّةِ أَنَّ الْوَاحِدْ مِنْهُمْ يُضْرَبُ بِالشِّيشِ أَوْ بِالسَّيْفِ مِنْ ظَهْرِهِ حَتَّى يَنْفَذْ من صدره ثم يسحب منه ولا جرح ولا ضرر. قلت هل أصحاب الطريقة الرفاعية أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ضرب على رأسه في غزوة أحد فغاصت حلقتا المغفر في وجنتيه فسال الدم على وجهه فقال كيف يفلح قوم كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم. Donc le cheikh ici il dit que un des porte-parole du groupe des Ikhwan, Saïd Hawa, c'était un des gens qui était très respecté dans la jama'a des Ikhwan, Saïd Hawa, et il disait, parce que lui c'était un soufi, il appartenait à la tariqa al-rifa'iyya. Il dit parmi l'honneur que Allah a fait aux gens de la tariqa al-rifa'iyya, c'est que l'un d'entre eux, lorsqu'il se fait frapper par une tige ou bien par une épée, on le transperce avec de son dos, puis ça sort par sa poitrine, et on la retire cette épée ou cette tige et il n'y a aucune blessure et aucun mal, c'est-à-dire il n'y a pas de sang qui coule, rien. Donc il disait que ça c'était une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré la tariqa al-rifa'iyya par ce genre de choses, et eux ils considèrent que ça c'est des miracles. Donc le cheikh il dit, est-ce que la tariqa al-rifa'iyya et les gens qui sont dans cette tariqa sont meilleurs que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que lui-même le messager sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Uhud il s'est fait frapper et que les cercles de son casque sont entrés dans son visage et que ça a fait couler le sang sur ses joues, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comment un peuple va avoir le succès alors qu'ils ont fait couler le sang sur les joues de leur prophète. Et ça c'est rapporté par Ibn Majah dans son Sunan, dans le livre Al-Fitan, et également par l'imam Ahmad dans Al-Musnad Al-Mukthirin, et également c'est rapporté, et ça c'est rapporté selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, et Al-Albani il l'a authentifié dans Sahih Ibn Majah. Donc ça c'est pour dire que yani, vous prétendez que ça c'est une honneur pour la tariqa al-rifa'iyya, hein, alors que c'est uniquement comme le cheikh il va l'expliquer tout après, c'est uniquement des trucs que vous faites, c'est basé sur des trucs de magie et de charlatanisme que vous faites. Alors vous voulez comparer ça alors que même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été blessé et le sang a coulé dans son visage. Est-ce que vous allez dire que les gens de cette tariqa sont meilleurs que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ensuite, le cheikh dit « Amma ashab al-tariqa al-rifa'iyya » فيطعن أحدهم بالسيف أو غيره من ظهره حتى ينفذ من صدره والعكس ثم يسحب ولا دم يسيل ولا جرح ينفتح سبحان الله أتقاس الشعوذة بالنبوة والسحر بالإيمان والحق بالباطل أم ماذا أترون السكوت عن بيان مثل هذا سائغا إن كنتم ترونه سائغا فهاتوا برهانكم min kitabillah ou sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam in kuntum sadiqin. Donc le cheikh il dit, les gens de la tariqa al-rifa'iyya, un d'entre eux se fait frapper avec une épée ou avec une tige, il se fait transpercer par son dos jusqu'à sa poitrine et on l'enlève et il n'y a pas de sang qui coule et aucune blessure qui reste, subhanallah. Est-ce que vous voulez comparer la magie, le charlatanisme avec la prophétie, et la magie avec la foi, et le mensonge avec la vérité? Vous voulez comparer ces choses-là? Ou bien quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Le cheikh, il dit, est-ce que vous pensez que c'est correct de se taire et de ne pas clarifier les erreurs et l'égarement de ces gens-là? Hein? Si vous croyez que c'est correct de se taire à propos de ces choses-là, ramenez votre preuve. Amenez vos preuves du Coran et de la Sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si vous êtes véridique. Hein? Et ça c'est comme on disait, c'est une des têtes parmi les têtes des Ikhwan qui disaient des choses comme ça, et personne d'entre eux n'a rien dit, hein? Donc ça c'est leur idée, et c'est pour ça que le cheikh il répond de cette façon là en disant, comment vous pouvez penser qu'on a le droit de se taire au sujet des gens qui ont des idées pareilles et qui croient à des choses pareilles au nom de l'islam, hein? Si on se tait et qu'on cesse de les critiquer juste parce que soi-disant ce sont des musulmans ou que ce sont des gens qui se disent musulmans et qui font partie de ceux qui travaillent soi-disant pour établir l'islam ou aider l'islam, mais si c'est des gens comme ça qui ont des croyances pareilles qui veulent aider l'islam et qu'on se tait au sujet de leurs croyances, hein? Alors là c'est sûr que, comme le cheikh il a expliqué dans l'introduction hier, c'est sûr que yani, on n'a pas ordonné le bien et on n'a pas interdit le mal, hein? Et donc si des gens s'imaginent que c'est juste le fait de vouloir travailler et de faire des actions comme ils disent, hein, il faut être actif, il faut bouger, il faut faire quelque chose, et que le but c'est uniquement d'agir sans même prendre en considération est-ce que cette action elle est basée sur une aqida qui est bien, correcte, et est-ce que cette action elle est faite pour Allah subhanahu wa ta'ala, basée sur le tawhid, hein, et basée sur la sincérité, et est-ce qu'elle est en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas la quantité d'action que tu fais qui est importante, Hein? C'est pas juste le fait de dire je suis en train d'agir, de faire quelque chose, un travail soi-disant islamique. L'important c'est de savoir est-ce que, le travail que tu fais, est-ce qu'il est valable, est-ce qu'il est acceptable selon l'islam, selon le Coran et selon la Sunna et selon le, Tawhid et selon les principes de l'islam. C'est ça l'important. Avec qui tu travailles, est-ce que ces gens-là ils ont une aqida? Maintenant, comme vous voyez par exemple ces groupes-là et ces, mosquées-là et ces centres islamiques où ces gens travaillent et se disent musulmans, ils montrent par exemple leur, description. Par exemple, dans leur site, tu vois, c'est marqué notre mission ou bien nos objectifs. Mais tu lis la liste des objections, des objectifs, tu lis la liste des buts qu'ils ont, tu lis leur soi-disant mission et tu vois leur description, la description de leur groupe. Nulle part tu retrouves la aqida des salaf, nulle part tu retrouves le tawhid. Nulle part tu retrouves aucune de ces choses-là. Tu vois que la aqida n'est jamais mise de l'avant. Ils ne définissent jamais en quoi ils croient en partant. Ils mettent toujours ça en arrière, comme si c'est quelque chose de secondaire. Et que si, en fait, pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils ont peur que s'ils mettent la aqida de l'avant et qu'ils disent en quoi ils croient en détail, que ça, bien entendu, ça va, selon eux, diviser les musulmans. Parce qu'ils veulent pas que les musulmans, ils veulent pas ramener les musulmans à la bonne aqida, ils veulent seulement ramener les musulmans à eux, pour que les gens soient avec eux, et pour ramasser le plus de monde possible autour d'eux, et puis par la suite faire qu'est-ce qu'ils veulent faire de, je sais pas, exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire parmi les, exemples d'idées qu'ils ont, soit pour des trucs politiques ou autres, économiques ou d'autres trucs de ce genre. Hein? Donc, Allah al-Musta'an, c'est comme maintenant, ils veulent se réunir, ici à Montréal, ils font un projet pour réunir les gens autour d'un projet économique, hein, pour faire un endroit où il y aura, par exemple, des commerces et des trucs de ce genre, hein. Quand tu vois ça, c'est bien en apparence, mais c'est basé sur quoi? Est-ce que c'est basé sur l'aqida? Est-ce que c'est basé sur un manhaj sahih? Est-ce que c'est basé sur une bonne compréhension de l'islam? Donc c'est pas le cas. Hein, c'est de se réunir sur le fait que, par exemple, on est maghrébin, on vit ensemble, on veut donner une image, on va attirer les clients des gens de d'autres communautés, hein. Comme les Chinois, ils ont Chinatown, les Italiens, ils ont Italiantown, hein, Little Italy. Ils vont faire maintenant le petit Maghreb. Et qu'est-ce qui passe devant dans cette idée de faire ça? Est-ce que c'est l'aqida? Est-ce que c'est le bon manhaj? Est-ce que c'est de réunir les gens sur le tawhid, les ramener à la sunna? Ou bien c'est juste de ramasser le plus d'argent possible et de s'encourager dans le haram, hein, avec des commerces qui vendent de la musique et qui vendent d'autres trucs encore bizarres. Donc, de se réunir juste sur la nationalité et sur l'origine et non pas sur la croyance et le manhaj. Donc ça, c'est des choses très importantes à prendre en considération. Hein. Ils vont réunir le soufi, ils vont réunir le ash'ari, ils vont réunir le laïc, ils vont réunir le nationaliste, ils vont réunir tout le monde ensemble, juste pour dire on est maghrébin et c'est ça qui compte. Peu importe, notre aqida, ça c'est pas grave. Donc, nasallallahu al-afiyah. Après, le shaykh il dit, وَهَذَا مُرْشِدَ الْإِخْوَانَ الْمُسْلِمِينَ فِي سُرْيَا مصطفى السباعي ينظم أبياتا يستغيث فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب فيها شفاء مرضه فقال يا سائق الضعني نحو البيت والحرم نحو طيبة تبغي سيد الأمم إن كان سعيك للمختار نافلة فسعي مثلي فرض عندي عند ذي الهمم يا سيدي يا حبيب الله جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم لم أغفل ولم أنم. هذا هو مرشد الإخوان في سوريا يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم وينسى الله الذي أرسله بالتوحيد وقال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال له واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون Donc le cheikh il mentionne, il dit, regardez le murshid, hein, le guide des Ikhwan al-Muslimin qui était en Syrie, Mustafa al-Sibai. Il a fait un poème dans lequel il cherche le secours et demande le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demande de le guérir de sa maladie. Il dit, ô toi qui est en train d'amener son animal pour le sacrifier vers la maison, c'est-à-dire Al-Kaaba, et vers le Haram, et vers Tiba, c'est-à-dire vers Médine, hein, et tu recherches Sayyid al-Umam, c'est-à-dire le chef de toutes les nations, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de toutes les nations. Si ton effort ou tu t'en vas vers Al-Mukhtar, et que tu considères que c'est quelque chose de nafila, c'est-à-dire quelque chose qui est pas obligatoire, alors le fait de s'en aller vers lui, pour moi ça c'est quelque chose qui est considéré comme étant obligatoire par rapport à ma foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ensuite il s'adresse directement au prophète et il dit « Oh Sayyidi, hein, oh mon maître, oh Habibullah, oh le bien-aimé d'Allah, je viens vers le bord de ta porte et je me plains de ma maladie. » Oh mon maître, j'ai été atteint par la maladie dans mon corps et à cause de la sévérité de la maladie, je ne peux pas dormir, hein, j'arrive plus à dormir. Donc, il est en train de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le guérir de sa maladie et ça c'est une forme de shirk, il n'y a pas de doute, hein, parce que tu ne peux pas demander à un être humain qui est mort, même s'il est vivant, même tu ne peux pas lui demander de te guérir, c'est Allah seul qui peut te guérir. Et donc le cheikh dit, voilà les paroles du murshid des Ikhwan en Syrie, et qui demande l'aide du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui oublie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le tawhid, et qui a dit, c'est-à-dire Allah a dit au messager sallallahu alayhi wa sallam, et il a été révélé à toi, et à ceux qui sont venus avant toi, hein, que si tu fais le shirk, on va annuler toutes tes actions, et tu seras parmi les perdant. Et il mentionne, ça c'est le verset encore 65 dans Surat Az-Zumar, et il mentionne aussi le verset 45 dans Surat Az-Zukhruf. Hein? Et Allah dit dans ce verset-là, et demande à ceux qu'on a envoyés avant toi, parmi nos messagers, est-ce qu'on avait donné à l'un d'entre eux une divinité autre que Ar-Rahman pour adorer? Hein? Est-ce qu'on leur avait ordonné d'adorer autre que Ar-Rahman parmi les messagers d'avant? Hein? Il n'y en a aucun qui ont adoré autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un rappel pour eux. Et donc ça c'est pour dire que, yani, vous voyez ces gens-là parmi les Ikhwan qui font des discours, hein? Ils parlent des Juifs, ils parlent de la Palestine, ils parlent de l'économie, ils parlent des Américains, ils parlent de toutes sortes de trucs politiques et économiques, et ils font beaucoup de bruit, et ils font la fitna, hein, dans le monde musulman et dans le monde non musulman, et tu les entends toujours, ils veulent prendre le devant des choses et toujours se mettre de l'avant, comme s'ils sont les représentants de l'islam en Occident. Et en réalité, vous voyez qu'est-ce que les gens qui sont à la tête de cette jama'a, c'est quoi leur aqida par rapport à l'islam? Ils disent que c'est permis d'adorer les morts et d'invoquer les morts en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'ils détestent les salafis et qu'ils détestent les gens qu'ils appellent wahhabiyya. Ils les critiquent en disant que ce sont des wahhabiyya. Et quand ils vont voir les kuffars, ils disent « Ouais, ce sont les wahhabites, ce sont des gens qui sont très radicaux, qui ont un islam, un islam très littéraliste. » Et ainsi de suite. Et donc devant les koufars, ils en profitent pour planter le couteau dans le dos aux salafis, alors qu'en réalité c'est eux qui ont une aqida qui est complètement en contradiction avec l'islam et qui veulent se passer pour les représentants de l'islam. Nasallallahu al-afiyah. Depuis que tu vois une jama'a, la première chose qu'ils mettent devant toi, c'est pas la aqida. Depuis ce moment là tu peux savoir qu'il y a un problème avec eux. Parce que s'ils n'avaient pas des choses à cacher, ils auraient mis leur aqida en premier. Hein? Et avec les preuves, bien sûr, il faut que cette aqida-là vienne du Coran et de la Sunna. C'est pas juste de présenter une aqida comme les gens des Ahbash ou bien des gens de, par exemple, comment ils s'appellent les autres? en tout cas les Asha'ira et les autres groupes de bid'a, hein, comme les Soufiyas et les autres, qui présentent une aqidah, mais elle est fausse, elle n'est pas supportée par le Coran et la Sunna. Hein, tu les vois, la première chose qu'il te dit, Allah existe sans une place. Tu lui dis, montre-moi ce verset-là dans le Coran, où est-ce que c'est écrit? C'est écrit nulle part, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Allah, la seule chose qui s'est écrit dans le Coran, c'est Ar-Rahmanu ala al-Arshistawa. Et il s'est écrit, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami'u al-basir. Alors, d'où est-ce qu'ils viennent avec leur mensonge encore une fois, ces gens-là? Donc, ils présentent une aqidah, mais c'est pas la aqidah qui est dans le Coran, et c'est pas la aqidah qui est dans la Sunna. C'est une aqidah qu'ils ont pris d'Aristote et de Platon. Et après, ils veulent la mettre, dans le Coran. A'udhu billah. Donc, le Cheikh, il dit, Faslun. أيغيظكم أن يبين الحق؟ Ça c'est un chapitre ou un passage que le cheikh a écrit et ça dit est-ce que ça vous dérange, est-ce que ça vous fâche qu'on clarifie la vérité? Le musulman il est l'esclave de la vérité. Le musulman il est Abdul Haq. Hein? Le musulman il est l'esclave de Al-Haq et Al-Haq c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc depuis le moment que tu dis que tu es l'esclave de Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah c'est Al-Haq et que toi tu es l'esclave de Al-Haq, donc ça veut dire que tu dois accepter, aimer la vérité et mettre la vérité de l'avant. Que ce soit pour toi ou contre toi, tu dois l'accepter. Tu dois toujours dire la vérité et aimer la vérité et défendre la vérité, peu importe à quel prix, tu dois le faire. Donc le musulman il ne doit pas détester, il ne doit pas rejeter qu'on dise la vérité, il doit aimer qu'on dise la vérité et entendre la vérité. Et quand le musulman entend la vérité, il est content. Et il se réjouit de ça. Donc, alhamdoulilah, quand vous voyez des gens qui vous disent « Ah, mais non, il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas dire ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme si. Hein? » Il y a des gens ici, même ici c'est arrivé à Montréal, c'est des gens qui n'ont jamais étudié l'islam, jamais été avec les ulama, ils n'ont jamais fait talab al-ilm, ils n'ont jamais... Yani, c'est des gens, ils ne connaissent pas grand-chose de l'islam. Mais pourtant, ce sont toujours eux les premiers à dire aux gens qui enseignent l'islam dans les mosquées comment on doit parler, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire. Subhanallah, ça c'est incroyable. Hein? Des gens qui n'ont aucune formation, aucune étude dans la charia, dans l'islam, dans le tawhid, dans rien. Mais c'est eux qui veulent nous dicter qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire et comment on doit le dire. Non, c'est pas comme ça, il ne faut pas dire ci, il ne faut pas dire ça. Mais... قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين amenez vos preuves hein si vous dites la vérité hein. Donc c'est pour ça on a des problèmes partout maintenant avec des gens comme ça. Donc le cheikh il dit اقصروا ايها القوم وتوبوا الى الله من نصرة الباطل ايغيظكم ان يبين الحق للناس ويزعجكم ان ينبري بعض اخوانكم لتوضيح العقيده الصحيحه بالادله من الكتاب والسنه كذلك فان كان عندكم حجه في رد ما نقول من القدح في هذه المناهج فهاتوا حجتكم التي تدحض حجتنا وادلتكم التي تبطل ادلتنا والا فاعلموا انكم تدفعون الحق نهارا وتدافعون عن الباطل جهارا وشئتم أم أبيتم رضيتم أم سخطتم وإني أخاف عليكم أن تكونوا قد دخلتم في عداد الصادين عن سبيل الله الذين يبغونها عوجا والذين قال عنهم الله عز وجل وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ومن يقول عنهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Hein, vous avez ces gens-là qui disent non, il ne faut pas enseigner ça aux convertis, il ne faut pas dire ça aux convertis, il ne faut pas enseigner ça aux nouveaux musulmans, les francophones, les gens qui ne connaissent pas la langue arabe. Ça, c'est des choses qui ne les concernent pas. Hein. Puis une fois, j'étais justement allé prier dans une mosquée, dans une musalla, parce que j'étais près du travail, à cette époque-là, je travaillais près de cet endroit-là, je suis allé prier là-bas, et je suis tombé après la khutbah face à face avec un des sororis à Montréal, Et là, j'étais avec deux frères convertis qui étaient avec moi, qui parlaient pas l'arabe. Un frère haïtien, puis un autre frère d'un autre endroit, j'ai oublié l'endroit. En tout cas, ils étaient à côté de moi. Et là, je commençais à lui parler par rapport à certaines questions de manhaj. Et lui, il dit, non, il faut pas parler en français parce qu'il y a les deux là qui sont convertis. Il faut pas qu'ils entendent ces choses-là parce que ça, c'est des choses, il faut pas que ces gens-là connaissent. Ces détails-là et ces questions-là dans la religion. J'ai dit, pourquoi? Il faut que ces gens-là comprennent, il faut que ces gens-là connaissent. Pourquoi tu veux? Parce que ce sont des gens qui ne parlent pas arabe ou que ce soit parce que ce sont des francophones, il ne faut pas qu'ils sachent. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est ça. Garder les convertis, garder les musulmans qui sont arabes mais qui connaissent pas, qui connaissent seulement la langue française ou qui ne connaissent pas bien l'arabe, leur parler seulement de ce que eux ils veulent pour les contrôler par la suite et pour les garder toujours dans leur programme à eux et pour que ces gens-là justement ne sachent pas la vérité hein, au sujet de leur manhaj. Donc alhamdoulillah, il faut au contraire bien clarifier les choses. Et le cheikh il dit, oh vous qui défendez ces gens de jama'at et ces gens de bid'ah parmi les hizbiyin, repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir défendu le mensonge et la fausseté. Est-ce que ça vous fâche? Est-ce que ça vous met en colère qu'on clarifie la vérité pour les gens? Est-ce que ça vous dérange que certains de vos frères clarifient la bonne aqidah pour les gens avec les preuves du Coran et de la Sunna? Si vous avez une preuve qui peut réfuter ce qu'on dit à propos de ces manahij, alors ramenez votre preuve. Ramenez votre preuve qui va être capable de réfuter notre preuve. Et ramenez vos arguments du Coran et de la Sunna, si vous en avez. Sinon, on va dire que vous êtes en train d'essayer de repousser la lumière du jour, hein, la vérité. Et que vous êtes en train de défendre le faux et le mensonge d'une façon claire et ouverte. Que vous le souhaitiez ou non, c'est ce que vous êtes en train de faire. Que vous en soyez satisfait ou que ça vous fâche, c'est la même chose, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et dis-moi, j'ai peur pour vous, cher, il dit, j'ai peur pour vous que vous soyez ou que vous soyez rentré parmi le nombre de ceux qui obstruent le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui cherchent à le rendre tortueux. Ce que Allah a dit à leur sujet, Azza wa Jal, dans Surat Az-Zukhruf, le verset 37, وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, et il leur obstrue le chemin et ils s'imaginent qu'ils sont bien guidés, hein? Et aussi l'autre verset, le verset 103 et 104 dans Surat Al-Kahf, voulez-vous qu'on vous informe des plus grands perdants en œuvre? Ce sont ceux qui ont gaspillé leurs efforts dans la vie d'ici-bas et ils s'imaginaient qu'ils étaient en train de faire le bien. Donc le cheikh il mentionne ces preuves-là et ces exemples pour les faire réfléchir. Ensuite, le cheikh il dit, ila ayyi shay'in nahnu nad'u. Il dit, à qu'est-ce qu'on appelle nous, les salafis? À quoi on appelle? Voici à quoi on appelle. Fa nahnu nad'u ila at-tawhid wa nuhadhdhiru min ash-shirk wa antum ila ayyi shay'in tad'un wa min ayyi shay'in tuhadhdhirun. Il dit, nous, premièrement, on appelle les gens au tawhid et on les avertit contre le shirk. Tandis que vous, à quelle chose êtes-vous en train d'appeler? Et contre quoi êtes-vous en train d'avertir les gens? Après, il dit, نَحْنُ نَدْعُوا إِلَى السُّنَنْ وَنُحَذِّرُوا مِنَ الْبِدَعْ وَأَنْتُمْ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ تَدْعُونَ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ تُحَذِّرُونَ. Le cheikh, il dit, nous, on appelle aux sunan et on avertit les gens contre les bid'a. Et vous, à quelle chose êtes-vous en train d'appeler? Et contre quoi êtes-vous en train d'avertir les gens? نَحْنُ نَدْعُوا إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه في دعوته وأنتم إلى أي منهج تدعون وعلى أي طريقة أو على طريقة من تسيرون. Le cheikh il dit, nous on appelle les gens à la voie du messager صلى الله عليه وسلم et on appelle les gens à suivre la voie qu'il a suivie dans sa da'wa, tandis que vous, vers quel manhaj êtes-vous en train d'appeler et la voie de qui êtes-vous en train de suivre? Il dit, نحن ندعو إلى عقيدة السلف ومنهج السلف وآثار السلف وأنتم تدعون إلى من يرى الشرك وعبادتي وأنتم تدعون إلى من يرى الشرك عبادة مشروعة والبدعة طاعة وقربة وتعطيل الصفات توحيدا. الشيخ il dit, nous on appelle à la aqida des salaf, au manhaj des salaf et à suivre les traces des salaf, alors que vous êtes en train de dire que d'invoquer autre que Allah et de faire du shirk dans l'adoration, c'est quelque chose de légiféré et quelque chose de correct et d'acceptable. Et vous êtes en train de dire que la bid'a, c'est une obéissance envers Allah et un rapprochement. Et vous êtes en train de dire que de nier les attributs d'Allah, c'est le tawhid. Donc ça, c'est ce que vous êtes en train d'appeler. Après, il dit, « Nahnu nad'u ila akhdhi al-haq min yanbu'ihi as-safi wa » ومعينه العذب وسلسبيله الفياض ومن كتاب الله من كتاب الله ومن تفسير ومن وتفسيره بالأثر وأخذ السنة من الكتب المخصصة لها على طريقة المحدثين أصحاب الجرح والتعديل. وأنتم تدعون الشباب جميعا إلى الضياع والإفلاس والتغاضي عن الشرك والتعبد بالبدع. Le cheikh, il dit, nous, on appelle les gens à prendre la vérité de sa source pure, hein, et c'est-à-dire de prendre la vérité qui vient du Coran et de d'expliquer le Coran selon les hadiths et les choses qui ont été rapportées par les salaf, et de prendre la sunna des livres qui ont été rapportés, yani les livres qui ont été écrits pour recueillir la sunna selon la voie des savants de hadith et selon la voie des gens qui ont fait al-jarh wa ta'adil, hein. Et vous appelez les jeunes à quoi? Vous appelez les jeunes à se perdre, vous appelez les jeunes à s'égarer et à se noyer dans le shirk et dans l'adoration basée sur les innovations. Donc ça, c'est un résumé, hein, et pour faire comprendre le danger de ce à quoi ces gens-là sont en train d'appeler, hein. Ils prennent les jeunes par les émotions et par les sentiments, et par un attachement sentimental et émotif à un islam, hein, mais qui est supporté par aucun fondement, aucune base réelle du Coran et de la Sunna. C'est seulement des émotions et des paroles et des sentiments. Hein, de dire aux gens, c'est une da'wah démagogique, hein, qui a pour but de dire aux gens qu'est-ce que les gens veulent entendre. Et donc, ces gens-là ne veulent pas qu'on clarifie la vérité. Ils ne veulent pas qu'on dise la vérité. Ils disent, ah, mais il ne faut pas s'attaquer à ces gens-là. Il faut parler contre les juifs et les chrétiens. Mais eux, ce sont les premiers à dire que les juifs et les chrétiens, ce sont leurs frères. Alors, comment vous nous dites à nous qu'on peut pas critiquer, qu'on doit critiquer les juifs et les chrétiens et non pas eux? Ce sont eux qui sont en train de prendre les juifs et les chrétiens comme des alliés et de dire que ce sont leurs frères et qu'ils n'ont rien contre leur religion. Donc ça, c'est un exemple, hein. Et nous, au contraire, on réfute les exemples de shirk et de kufr des juifs et des chrétiens, les contradictions qu'ils ont dans leurs croyances et dans leur religion et dans leurs pratiques. Et on clarifie ça aux musulmans et on invite les juifs et les chrétiens à se convertir à l'islam et à accepter la vérité. Pas à dire aux juifs et aux chrétiens, vous êtes corrects, vous pouvez rester sur votre religion, tout le monde est croyant, hein, comme eux sont en train de faire. Donc ça, c'est les preuves contre ces gens-là, yani. Donc, ça, c'est des exemples. Comment vous voulez défendre ces gens-là? Vous dites que vous êtes salafi, puis après, quand on critique ces gens-là, vous vous mettez en colère. Vous dites que vous êtes salafi, puis vous êtes en train de vous fâcher quand on critique ces gens-là. Mais quand on critique Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymeen et les grands ulama des salaf, vous dites rien? Alors là, il y a un problème, hein? Il y a un problème. Et c'est ça le problème avec ces gens-là qui se disent salafis, mais ce sont des sururis ou des gens qui suivent d'autres manahij. Nasallallahu al-afiyah. Après, le Cheikh dit, Faslun atardawna li anfusikum an takunu du'at ila al-batil wa mudafi'ina anhu wa an ahlihi. أترضون لأنفسكم أن تكونوا معظمين لأهل الشرك والبدع الذين يجب هجرهم والبراءة من صنيعهم تقربا إلى الله؟ أترضون لأنفسكم أن تكونوا متبعين لتشريع من ليس بمعصوم تاركين لتشريع المعصوم الذي شهد الله له بالعصمة فقال جل من قائل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أترضون لأنفسكم أن تكونوا متبعين لغير سبيل المؤمنين الموحدين وأنتم تتلون كتاب الله وتتلون قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا أترون هذا منكم وفاء لعقيدة التوحيد التي تعلمتموها نعم. Donc le cheikh il dit, est-ce que vous êtes donc satisfait pour vous-même d'être en train d'appeler les gens au faux, à la fausseté et au mensonge, et d'être des défenseurs des gens qui sont sur l'égarement et le mensonge? Est-ce que vous êtes satisfait de ces choses-là, d'être en train de glorifier les gens qui défendent le shirk et la bid'a, alors que ce sont des gens que vous êtes obligés de faire le hajr vis-à-vis d'eux, de vous écarter d'eux et de les couper, hein, de les boycotter ces gens-là, et de vous désavouer d'eux et de ce qu'ils font par sentiment ou bien de vouloir, c'est-à-dire avec le sens que vous faites ça dans le but de vous rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire vous êtes obligé, en tant que musulman, de vous écarter et de vous éloigner de ces gens-là et de les boycotter avec l'intention de faire ça en se rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire vous faites ça pour plaire à Allah, vous vous écartez d'eux pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et pour vous rapprocher de lui. Mais au lieu de ça, on dirait que vous êtes satisfait pour vous-même d'être en train de les glorifier, ces gens-là, et de les défendre, hein. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui a un commerce, qui est musulman et qui se dit salafi, et puis quand tu rentres dans son commerce, tu vois qu'il permet aux ikhwan et aux hizbiyin de mettre leur magazine dans son magasin. Et il permet aussi aux laïcs, hein, et aux nationalistes de venir mettre leurs magazines et leurs journaux dans son magasin et de faire de la publicité pour eux, hein. Donc comment tu vas dire toi que t'es salafi alors que t'es en train de supporter ces gens-là et défendre ces gens-là et de faire de la promotion pour leurs magazines et leurs journaux? Donc il y a un problème, c'est que cette aqida qu'on est en train d'enseigner et cet islam qu'on est en train de suivre, c'est pas juste une théorie, quelque chose qu'on dit, oui, on croit en l'islam, c'est la vérité, mais quand c'est le temps d'agir vis-à-vis des gens et de prendre des positions par rapport aux autres, hein, on n'agit pas selon ces principes-là, et on fait comme si rien n'était, hein, on est cool avec tout le monde, on est correct avec, on aime tout le monde, on se rallie avec tout le monde, même contre ceux qui sont en train de nous détruire, là, il y a un problème. Donc, le cheikh, il dit, est-ce que vous êtes satisfait pour vous-même de suivre les législations de celui qui n'est pas infaillible et que vous abandonnez la législation et la charia de celui qui est infaillible, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui que Allah a témoigné de son infaillibilité dans la révélation, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et il ne parle pas selon ses passions, ce n'est qu'une révélation qui est révélée. Ça c'est le verset 3 et 4 dans Surat al-Najm. Le cheikh il dit ensuite, est-ce que vous êtes satisfait pour vous-même de suivre une voie autre que la voie des croyants qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala, alors que vous êtes en train de réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran qui dit, et quiconque se dissocie du messager ou fait scission avec le messager après que la vérité lui ait été clarifiée et qui suit autre que la voie des croyants, la voie des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis. Alors ceux qui suivent autre que la voie des croyants et qui fait scission avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, nous allons le laisser se détourner comme il s'est détourné et nous allons le brûler dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc le cheikh il dit, est-ce que vous considérez que la façon dont vous agissez, est-ce que c'est quelque chose d'honnête? Est-ce que votre attitude, elle est une attitude d'honnêteté? Et est-ce que vous êtes loyal envers la aqida du tawhid que vous avez appris et étudié? La loyauté et l'honneur de nos jours, c'est des choses qui sont très rares. C'est des mots qui n'ont presque plus de signification pour beaucoup de monde, malheureusement. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit retourner dans le Coran et dans la Sunna pour réapprendre la signification et l'importance justement de ces mots-là, c'est-à-dire la loyauté et l'honneur et la dignité, et de faire preuve d'être, comment on pourrait dire, d'être, c'est-à-dire, comment on pourrait dire, d'être honnête envers soi-même, et puis d'être cohérent, c'est ça le mot que je voulais dire, d'être cohérent, d'avoir une cohérence entre ce qu'on dit dans notre aqida et notre façon d'agir envers ceux qui sont en contradiction avec notre aqida. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, puis on continuera ça samedi prochain, parce que le cours qu'on fait aujourd'hui, c'est samedi prochain, c'est le samedi et dimanche. Habituellement, c'est, je le fais de 8h à 9h, inshallah, à Montréal. Pour la France, je pense que c'est 14h à 15h. Aujourd'hui, il m'est arrivé un problème, donc malheureusement, j'ai pas pu le faire à cette heure-là. Mais bon, en temps normal, inshallah, on va le faire à cette heure-là. Puis le lundi matin, inshallah, de 8h à 9h, on va faire le cours sur le livre de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. C'est le livre qui s'appelle Al-Huquq wal-Wajibat ala al-Rijal wal-Nisa fil Islam, c'est-à-dire les droits et les responsabilités, les droits et les obligations des hommes et des femmes dans l'islam. Donc on va faire ça demain matin, Inch'Allah. On va faire ça tous les lundis. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh wa jazakumullahu khayran.